Unité 12. Conversation. Écoutez. Où faisons-nous le repas de fin d'année? On peut aller dans un bistrot. Pourquoi pas? Où y a-t-il un bistrot sympathique? On peut aller à Montparnasse. D'accord. Qui veut venir? Moi, je peux venir. Et toi, Monique? Et toi, Olivier? Oui. Nous voulons bien venir, mais... Mais qu'y a-t-il? Nous devons demander la permission à nos parents. Répétez. 1. Où faisons-nous le repas de fin d'année? 2. On peut aller dans un bistrot. 3. Pourquoi pas? Où y a-t-il un bistrot sympathique? 4. On peut aller à Montparnasse. 5. D'accord. Qui veut venir? 6. Moi, je peux venir. 7. Et toi, Monique? Et toi, Olivier? 8. Oui, nous voulons bien venir, mais... 9. Mais qu'y a-t-il? 10. Nous devons demander la permission à nos parents. 11. Où faisons-nous le repas de fin d'année? 12. On peut aller dans un bistrot? 13. Pourquoi pas? Où y a-t-il un bistrot sympathique? 14. On peut aller à Montparnasse. 15. D'accord. Qui veut venir? 16. Moi, je peux venir. 17. Et toi, Monique? Et toi, Olivier? 18. Oui. Nous voulons bien venir, mais... 19. Mais qu'y a-t-il? Va. Nous devons demander la permission à nos parents. Écoutez. 21. Monique, que veux-tu? 22. Maman, je te demande la permission. 23. Quelle permission? 24. La permission d'aller dîner avec mes camarades. 25. Quand est ce repas? 26. Samedi soir. 27. Où allez-vous dîner? 28. Dans un bistrot à Montparnasse. 29. Alors, tu me donnes la permission? 30. Mais bien sûr, je te donne la permission. Répondez, répétez. 31. Monique, que veux-tu? 32. Maman, je te demande la permission. 33. Quelle permission? 34. La permission d'aller dîner avec mes camarades. 35. Quand est ce repas? 36. Samedi soir. 37. Où allez-vous dîner? 38. Dans un bistrot à Montparnasse. 39. Alors, tu me donnes la permission? 40. Mais bien sûr, je te donne la permission. Écoutez. Où Monique veut-elle aller samedi soir? Samedi soir, Monique veut aller dîner avec ses camarades. Lui as-tu donné la permission? Bien sûr, je lui ai donné la permission. Monique, Olivier va-t-il dîner avec vous? Peut-être. Je lui téléphone tout de suite. Allô, Olivier, as-tu demandé la permission à tes parents? Oui, je leur ai demandé la permission. Et toi, Monique, viens-tu samedi soir? Oui, mes parents m'ont donné la permission. Répétez. 41. Où Monique veut-elle aller samedi soir? 42. Samedi soir, Monique veut aller dîner avec ses camarades. 43. Lui as-tu donné la permission? 44. Bien sûr, je lui ai donné la permission. 45. Monique, Olivier va-t-il dîner avec vous? 46. Peut-être. Je lui téléphone tout de suite. 47. Allô, Olivier? As-tu demandé la permission à tes parents? 48. Oui, je leur ai demandé la permission. 49. Et toi, Monique, viens-tu samedi soir? 50. Oui, mes parents m'ont donné la permission. Répondez, répétez. 51. Où Monique veut-elle aller samedi soir? 52. Samedi soir, Monique veut aller dîner avec ses camarades. 53. Lui as-tu donné la permission? 54. Bien sûr, je lui ai donné la permission. 55. Monique, Olivier va-t-il dîner avec vous? 56. Peut-être. Je lui téléphone tout de suite. 57. Allô? Olivier, as-tu demandé la permission à tes parents? 58. Oui, je leur ai demandé la permission. 59. Et toi, Monique, viens-tu samedi soir? 60. Oui, mes parents m'ont donné la permission. Écoutez. Allô, Monique? Olivier et toi, venez-vous au repas? Oui, nous venons au repas samedi soir. Alors vos parents vous ont donné la permission? Oui. Ils nous ont volontiers donné la permission. Ton père te prête sa voiture? Je ne lui ai pas encore demandé. Comment peut-on faire? Je lui demande la voiture ce soir. Et après, tu me téléphones? Oui, d'accord. Je te donne la réponse ce soir. Répétez. 61. Allô, Monique? Olivier et toi, venez-vous au repas? 62. Oui, nous venons au repas samedi soir. 63. Alors vos parents vous ont donné la permission? 64. Oui, ils nous ont volontiers donné la permission. 65. Ton père te prête sa voiture? 66. Je ne lui ai pas encore demandé. 67. Comment peut-on faire? 68. Je lui demande la voiture ce soir. 69. Et après, tu me téléphones? 70. Oui, d'accord. Je te donne la réponse ce soir. 71. Allô, Monique? Olivier et toi, venez-vous au repas? 72. Oui, nous venons au repas samedi soir. 73. Alors, vos parents vous ont donné la permission? 74. Oui, ils nous ont volontiers donné la permission. 75. Ton père te prête sa voiture? 76. Je ne lui ai pas encore demandé. 77. Comment peut-on faire? 78. Je lui demande la voiture ce soir. 79. Et après, tu me téléphones? 80. Oui, d'accord. Je te donne la réponse ce soir. Écoutez. 81. Monique vient au repas de fin d'année. 82. Ses camarades viennent aussi. 83. Monique a demandé la voiture à son père. 84. Son père lui a prêté sa voiture. 85. Ils ont passé une bonne soirée. 86. Après le dîner, ils sont allés danser à la Huchette. Répondez, répétez. 87. Monique vient au repas de fin d'année. 88. Oui, Monique vient au repas de fin d'année. Ses camarades viennent aussi. 90. Oui, ses camarades viennent aussi. 91. Monique a demandé la voiture à son père. 92. Oui, Monique a demandé la voiture à son père. 93. Son père lui a prêté sa voiture. 94. Oui, son père lui a prêté sa voiture. 95. Ils ont passé une bonne soirée. 96. Oui, ils ont passé une bonne soirée. 97. Après le dîner, ils sont allés danser. 98. Oui, après le dîner, ils sont allés danser. Écoutez. 99. Monique, que fais-tu au mois d'août? 100. Olivier et moi, nous n'avons rien décidé. 101. Vous venez chez moi à la campagne? 102. Nous venons volontiers si tu nous invites. 103. Olivier, as-tu envie d'aller chez Jacques en août? 104. Oui, volontiers. 105. Tes parents viennent-ils aussi? 106. Non, mes parents me laissent la maison. Répondez, répétez. 107. Monique, que fais-tu au mois d'août? 108. Olivier et moi, nous n'avons rien décidé. 109. Vous venez chez moi à la campagne. 110. Nous venons volontiers si tu nous invites. 111. Olivier, as-tu envie d'aller chez Jacques en août? 112. Oui, volontiers. 113. Tes parents viennent-ils aussi? 114. Non, mes parents me laissent la maison.